en terminant, restons dans la religion verte. On va peut-être brûler nos punchs. Je voulais le jouer un petit peu plus tard dans l'émission, mais je veux absolument vous faire entendre ça. C'est, à date, le pire délire verdoyant en cette fin d'année. C'est Greenpeace qui, dans sa campagne au Canada anglais, mais ils vont le faire au Québec prochainement, font peur aux enfants. Avec une vidéo qu'on a d'ailleurs mis sur le site de RadioX.com, où là, vous avez un Père Noël qui est en dépression, il a chaud, il a tout dézippé, ça saute. Il est quasiment dans le poil, on voit le poil sur le chest. Là. Il sue de la face, là, il a chaud. Là. Et là, il dit que c'est la mort du Pôle Nord, et les enfants, aidez-nous, parce que le Pôle Nord fond. Je vous le dis, là, M. Brassard, c'est un délire profond, profond et malhonnête. Non, mais pire que ça, il menace de... Il dit, là, je veux pas être alarmiste, là, les enfants, mais je pense qu'on va canceller Noël. Ah, c'est délirant. Au faire entendre ça, ça dure une minute. Bon, les gens qui comprennent pas l'anglais, là, vous allez peut-être trouver ça trop long. Mais, en gros, voici le message, puis je vais vous entendre par la suite, M. Brassard. On écoute. Dear children, regrettably, I bring bad tidings. For some time now, melting ice here, the North Pole has made our operations and our day-to-day life intolerable and impossible. And there may be no alternative but to cancel Christmas. T'as pas d'allure. My home in the Arctic is fast disappearing, and unless we all act urgently, please help me. Ça n'a pas d'allure, M. Brassard. Ça fait peur, ça fait peur. C'est du délire. Vous savez, Greenpeace, ça ne m'étonne pas, Greenpeace. C'est la plus grosse entreprise mondiale de désinformation. Ça, ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Je l'ai souvent dénoncé, puis dit, exprimé. Mais il continue de sévir. C'est une entreprise multinationale de désinformation et donc de mensonges. Mais comment vous trouvez ça, manipuler les enfants, là? C'est dégueulasse. Carrément, c'est dégueulasse. C'est vraiment fou et dégueulasse. Le terme exact, c'est dégueulasse de faire de la propagande et de la désinformation pour modeler le cerveau des enfants. Et les enfants, eux autres, là, c'est ça la tactique, ils vont penser, puis moi je l'ai déjà vu avec mes enfants, là, pas à ce niveau-là, mais de me faire dire à la maison, papa, la planète, là, papa, là, si, ah, oui, papa, oui, ça, ben, oui, ben, oui, ben, ils oui, pensent ben, par oui. Les enfants, nous culpabiliser, là. Ben oui, dans les manuels scolaires, là, c'est Rénal Duberger qui note ça, dans les manuels scolaires, il y a une image, il y a une photo, là, on voit un éléphant blanc, il est sur un petit bout de glaçon. Un ours polaire. Un ours polaire, un éléphant blanc. Un ours polaire, c'est un éléphant blanc dans le fond. Mais un ours polaire qui est avec un océan, là, il y a pas de glace, il y a juste un glaçon, il est dessus. Il va bientôt tomber à l'eau. Alors ça, c'est pour faire croire encore que l'ours polaire est en voie de disparition, ce qui est faux. Et il y a une surpopulation, selon Rénal Duberger, qui nous a envoyé l'extrait, d'ailleurs. Oui. Il y a une surpopulation. Oui, ils sont en surpopulation. C'est une espèce qui se porte très bien. Elle est loin d'être menacée et elle est même pas vulnérable. Et en plus, cette année, la superficie de la glace arctique a augmenté d'à peu près 25 à 27 %. On a battu un record, je pense, vieux de oui, 30 ans. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, c'est cyclique, ça, de toute façon. Là. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique et tous ces trucs-là. Non, c'est Suzuki cyclique. Dit... quand Suzuki. Les Vikings sont arrivés au Groenland, quand oui. Les Vikings sont arrivés au Groenland, là, l'océan bon était libre de glace. C'était sur la pelouse. Oui, puis ils ont pu bâtir des colonies, ils ont produit de l'élevage, ils ont fait de l'élevage. Ils ont habité pendant 2-3 siècles le Groenland. Et si je me trompe pas, Groenland, c'est Greenland, ça veut dire la terre verte. Oui, ça veut dire la terre verte. Alors, c'est cyclique. Et là, on entre dans un nouveau cycle. L'Arctique la glace va, la banquise va augmenter maintenant d'année en année. Mais savez-vous qu'il parle jamais de l'Antarctique? Non, c'est l'Antarctique, trop froid. L'Antarctique, ça, ça gèle. Là. C'est ça, c'est trop. Là, la superficie de la banquise ne cesse d'augmenter depuis 20 ans. Non, c'est ça. Ça compte pas dans le jeu de cartes, là. Dans le sorteur de cartes, ça marche pas, là. Ça marche pas du tout. De leur idéologie. Alors voilà, il n'y aura pas de Noël, je voulais vous le dire. En tout cas, David Suzuki fait dire ça. Enfants. C'est effrayant. Merci beaucoup, M. Brassard. Au revoir.